que le monde pas est parfait. Demande parfois pourquoi tu m'as fait. Les gens ici sur terre n'ont pas de pitié. Car tu crois être tente de les mépriser. Il paraîtrait que c'était ma destinée. Je me demande encore pourquoi Dieu m'a fait. Il est vrai qu'il ne faut pas avouer vaincu. Je me demande si la vie faut être vécue. Voyant tout ce qu'a mon âme en main. Car je sais très bien que leur vie sera sans lendemain. Coup de poing et coup de couteau sont devenus monnaie courante. De plus, quasiment tous les puceaux préfèrent se dépiceler lors des tournantes. Mais comment faire pour que cela change? Cela devient l'enfer. Jamais ça ne dérange. Personne se lève pour faire bouger les choses. Les rues sont pleines, jeunes gamins qui s'explosent. Je suis conscient que le monde peut pas être parfait. Je me demande parfois pourquoi Dieu m'a fait. Les gens ici sur terre n'ont pas de pitié. Car tu crois être tente de la merde pitié. Il paraîtrait que c'était ma destinée. Je me demande encore pourquoi Dieu m'a fait. Il est vrai qu'il ne faut pas s'avouer vaincu. Je me demande si la vie vaut des écus. Je vais pas te raconter la vie, étant donné que je n'ai pas assez vécu. Pourtant je sais ce que je dis, et persuadé de ce que j'ai vu. Mon meilleur ami perd sa mère à l'âge de 9 ans. Voilà comment on détruit une vie. Comment se forge délinquant. J'ai vu cette mère qui n'avait que 16 ans vivre dans la merde, élever son enfant. J'ai vu ces garçons à l'entrée des lycées vendre des cachetons pour quelques petits billets. Je suis conscient que le monde peut pas être parfait. Je me demande parfois pourquoi Dieu m'a fait. Les gens ici sur terre n'ont pas de pitié. Car tu crois être tente de la merde pitié. Il paraîtrait que c'était ma destinée. Je me demande encore pourquoi Dieu m'a fait. Il est vrai qu'il ne faut pas s'avouer vaincu. Je me demande si la vie vaut d'être vécue. Que le monde peut pas être parfait. Je me demande parfois pourquoi tu m'as fait. Les gens ici sur terre n'ont pas de pitié. Car tu crois être tente de la merde pitié. Il paraîtrait que c'était ma destinée. Je me demande encore pourquoi Dieu m'a fait. Il est vrai qu'il ne faut pas s'avouer vaincu. Je me demande si la vie faut être vécue.